إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant l'explication de ce verset du Coran. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, et ses femmes et ses épouses sont leurs mères. Donc d'après la risala du Cheikh Abdel Razzaq Ibn Abdel Muhsin Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala Wara'a, on avait terminé de parler de toutes les questions qui concernaient le terme employé par Allah Subhanahu Wa Ta'ala concernant le premier qui est Azwajuhu et le deuxième qui est Ummahatuhum, donc Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants. Et on a vu différentes questions à travers donc la risala du Cheikh et tout ce qu'on pouvait en tirer et tout ce qu'on pouvait méditer à partir de cette parole du Très-Haut Subhanahu Wa Ta'ala. Aujourd'hui, lorsqu'on a parlé donc de ces termes, les mères des croyants, et de cette appellation, et que les mères des croyants ont été les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il va de soi que l'on parle à la wajh al-ikhtisar, c'est-à-dire de façon résumée, de la vie de ces femmes, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de connaître leur fada'il, leur mérite, le mérite qu'elles ont eu, tout ce qu'elles ont apporté dans cette religion et leur place, et de connaître également ainsi une par une les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi donc que la chronologie de leur mariage avec le meilleur des hommes. Ces femmes-là, ce sont les meilleures des femmes de cette communauté, la Shek, la Raïd. Elles vécurent dans le meilleur des siècles. Elles ont été les épouses du meilleur des hommes. Elles ont été éduquées dans le meilleur des foyers. Elles n'ont pas été comme toutes les femmes, parce que différentes, si différentes. يقول الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ô femmes de l'envoyé, ô vous les femmes de l'envoyé, vous n'êtes pas comparables à aucune autre femme, pas comparables. Elles se sont donc distinguées dans le bien et la piété, la patience et l'obéissance, dans la bonté et l'humilité, dans la pudeur et l'honneur, dans la dignité et la fermeté en religion, dans l'affection et la compassion, dans la pureté et la sincérité. Elles ont été choisies pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission, comme Allah azza wa jalla l'a choisi parmi des hommes, des prophètes, des envoyés pour transmettre son message. Il a également choisi ceux qui allaient l'accompagner parmi les hommes, c'est-à-dire donc les sahaba, les compagnons, ceux qui ont accompagné les prophètes. Et pour notre communauté, sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également il a choisi des femmes qui ont été donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui ont eu une grande responsabilité, qui ont dû faire face à une responsabilité énorme, mais qu'elles ont su assumer. Il nous dit le shir la raiba anna min tamami tadabbur al-ayati ma'rifat azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, afin de compléter la méditation, la réflexion sur ce verset, donc sur cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa azwajum mahatum, ma'rifat azwajin nabi sallam, c'est-à-dire de connaître les femmes du prophète sallam. On a parlé auparavant de cette appellation, les femmes du prophète, les mères des croyantes, mais qui sont-elles? Les connaître une par une. Il nous dit le shir, wa adadahunna, c'est-à-dire leur nombre, wa shay'in min hayatihinna radiyallahu anhunna, et connaître un minimum de leur vie, qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait d'elle. Wa kutub as-siyar wa at-tarajum hafilatun bi bayan dhalik. Et bien entendu, les livres de biographie, d'histoire, sont remplis de ce qui va nous apporter des informations sur elle. Lakinna min al-mufid huna an nushira ila shay'in min dhalik walaw ala wajh al-ikhtisar. Mais bien entendu, il est ici plus que profitable et judicieux d'indiquer donc de manière résumée ce que l'on doit savoir sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu précédemment, il s'est marié avec 11 femmes. Et parmi ces 11 femmes, il y en a 9 dont il décéda durant leur vie. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda et les laissa donc vivantes. Il y en a eu 9. Et 2 qui sont mortes durant son vivant. 2 qui sont mortes durant son vivant, sallallahu alayhi wa sallam. La première des femmes avec qui il s'est marié le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et comme tout le monde le sait, c'est Khadija. Khadija bint Khuwaylat ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashiyya al-Asadiyya. Khadija bint Khuwaylat ibn Asad ibn Abd al-Uzza al-Qurashiyya al-Asadiyya. Cette femme, radiallahu ta'ala anha, qui fut donc la première des mères des croyants, elle a vécu avant l'avènement de l'islam, durant la période anti-islamique. Et elle fut mariée à 2 hommes. Le premier, Abu Hala ibn Zurara al-Tamimi. Et ensuite, elle fut mariée à un deuxième homme, Atiq ibn A'id. Donc ce sont les 2 hommes avec lesquels elle a été mariée, Khadija, avant qu'elle se marie avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle se maria avec lui alors qu'elle avait déjà 40 ans, comme beaucoup de livres de Sira et beaucoup d'historiens nous l'indiquent. Alors que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en avait 25 ans. Et donc leur mariage a eu lieu 15 ans avant le début de la prophétie. Et il faut savoir que tous les enfants qu'il a eu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont été de Khadija. Sauf un seul. Comme on l'a vu auparavant, qui est Ibrahim, qu'il a eu de Maria. À part Ibrahim, tous ont été d'elle. 4 filles et 2 garçons. 4 filles et 2 garçons. Et en ordre chronologique, il y a eu Al-Qasim, donc le premier enfant. Ensuite, il a eu Zainab, la première fille. Ensuite, il a eu Ruqiyya, ou la deuxième fille. Ruqiyya, la deuxième fille. Ensuite, il a eu Umm Kulthum, qui fut donc la troisième fille. Et ensuite, il eut Fatima, qui fut donc la quatrième fille et le cinquième enfant. Et ensuite, le dernier des enfants, et qui fut lui un garçon, Abdullah, qui fut donc le sixième et le dernier de Khadija. Abdullah, que l'on a appelé At-Tayyib, At-Tahir, c'est-à-dire le bon, le pur. Car il est l'enfant, c'est-à-dire le seul garçon qui est né dans l'islam, donc après l'événement de l'islam et après le début de la prophétie, comme l'ont rappelé beaucoup d'historiens. Pour ce qui est des causes du mariage de Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, avant même sa mission, les gens qui étaient autour de lui témoignaient déjà des signes de la prophétie, déjà de son caractère éminent, de sa sincérité. Et Khadija, il lui est venu donc à ses oreilles ces informations, et que c'était donc une personne sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté, là où il vivait, qui déjà se distinguait. Et également de par son habileté dans le commerce, la baraka qui s'y trouvait, cette baraka abondante fut-elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait du commerce, ses profits, ses biens, il était le double, même plus que du double de ce que pouvait gagner autrui sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'elle a su tout ça, Khadija, elle a désiré se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc celui qui maria le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui maria Khadija, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fut son oncle Amr, car son père était déjà décédé, radiallahu ta'ala anha. Il faut savoir que Khadija était une femme dont nombreux hommes auraient désiré l'épouser. C'est une femme qui était noble, une femme qui était riche, qui avait de nobles vertus, qui était dotée d'une raison saine et pure, qui avait un caractère grand et parfait. Elle se démarquait donc, elle se démarquait dans sa société, elle se distinguait, là où elle vivait. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta ce mariage avec elle. Et ce fut donc la première femme du prophète. Le shir, bien entendu, il va nous rappeler certaines de ses qualités et également par quoi elle s'est distinguée des autres femmes. Et parmi l'une des plus grandes qualités qu'elle a eues, une distinction qui l'a fait s'élever au-dessus de toutes les autres femmes et donc de tous les autres également mères des croyants, c'est qu'elle fut la première des femmes à avoir cru en la prophétie, la première femme qui rentra dans l'islam. Regardez donc, elle est mariée depuis 15 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme. Donc, qui connaît mieux le prophète qu'elle? Qui connaît mieux Mohammed qu'elle? 15 ans, elle est sa femme, durant 15 années. Elle connaît tout de lui. Tout ce qu'une femme peut connaître de son mari en secret. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui annoncer sa première rencontre avec Jibril, et donc le message qu'il lui a fait parvenir, elle n'a pas hésité. Elle n'a pas hésité à croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de croire en son homme, car elle connaissait son homme. Elle connaissait sa sincérité. Elle connaissait toutes les vertus de cet homme-là. Et que donc, c'était impossible que cette personne, qu'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisse venir avec un mensonge, une chose qui est inventée, ou tout ce qu'on pourrait dire. Khadija, lorsque l'information lui est parvenue par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était la première à y croire. Elle fut la première qui rentra dans l'islam. Et ce jour-là, après qu'il ait rencontré pour la première fois Jibril alayhi salam, comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, il est venu auprès d'elle. Il a dit cette parole, laqad khashitu ala nafsi. Après donc lui avoir informé de ce qui s'était passé, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, laqad khashitu ala nafsi. C'est-à-dire, j'ai eu peur sur moi-même. J'ai eu peur pour moi-même, j'ai craint pour ma propre personne. Qu'est-ce qu'elle lui a dit directement? Khadija, regardez comment elle était, comment Allah Azzawajal a raffermé son cœur. Comment il lui a ouvert son cœur à la foi. Elle lui a répondu qu'Allah, abshir. C'est-à-dire bien au contraire. Et que la bonne annonce te soit faite. Fawallahi la yukhzik Allahu abada. Par Allah Azzawajal, jamais il ne te délaissera. Jamais il ne te châtiera. Jamais il ne te fera goûter d'avilissement. Jamais il ne te perdra. Jamais, fawallah. Regardez donc la confiance qu'elle a Khadija à ce moment-là. Et elle va rappeler qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire une personne avec toutes ses vertus, dont Allah Azzawajal l'a choisi, et dont il ne peut lui avoir fait goûter un avilissement ou une épreuve ou autre de ce qui pourrait l'égarer, bien au contraire. Elle lui a rappelé ses propres caractéristiques. Innaka la tasilu rahim, tu préserves le lien des parentés. Wa taksib al ma'doum, tu donnes de tes biens à ceux qui en sont dénués, qui en sont privés. Wa tahmil al kalla, c'est-à-dire tu aides ceux qui sont dans le besoin, tu leur apportes soutien. Wa taqri al-dayf, wa taqri al-dayf, tu fais honneur à ton hôte. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haq, et tu aides ceux qui sont devant une épreuve due à ce qu'ils doivent endurer face à la vérité. Elle lui a appelé Khadija tous ses mérites au prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ses caractéristiques, pour lui dire que ce qu'Allah azawajal il a destiné à leur nez de crainte, il l'a fait en te choisissant, et donc en choisissant la personne que tu es sallallahu alayhi wa sallam. Ça donc, c'est le plus grand caractéristique de Khadija, c'est qu'elle a cru directement à la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tout au long du début de la prophétie, elle va le soutenir, elle va l'appuyer, et lui, il va trouver auprès d'elle confort avec tout ce qu'ils vont rencontrer comme problème, comme épreuve. Et c'est pour ça que Allah Azzawajal akramaha, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal lui a fait honneur, il l'a élevé. Et comme il nous le rappelle le shir, « ومن خصائصها » donc parmi ses particularités, « أن الله سبحانه بعث إليه السلام مع جبريل » c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal lui a envoyé donc la paix ou le salut, « إليها السلام » c'est-à-dire qu'il va donc lui passer le salut, le salam, par l'intermédiaire de Jibril. فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقد روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال. Et donc le prophète sallam lui a transmis cela de la part de Jibril et de la part de son seigneur, comme cela rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique du hadith de Abu Huraira رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. Jibril est venu au prophète, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, faqal, ya Rasulullah, hadi Khadija, qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw sharabun, fa idha hiya atatka faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni. Faqra 'alayha as-salam min rabbiha wa minni, wa bashshirha bi baytin fil jannati min qasabin. La sahabin fi wa la nasab. Et donc, il lui informe Jibril que c'est Khadija qui va venir. Avi Khadija, qu'elle vient donc avec un récipient qui contient de la nourriture, qui contient de la boisson. Lorsqu'elle te viendra, alors passe-lui donc le salam de la part de son Seigneur et de ma part. Et fais-lui la bonne annonce. Obashirha bi baytin fil jannah. Et fais-lui la bonne annonce d'une maison dans le paradis, min qasabin, c'est-à-dire de perles, la sahabin fihi, il n'y aura donc pas de dérangement, pas de bruit à l'intérieur de cette maison, wala nasab, il n'y aura pas non plus de fatigue. Parmi également ses particularités, jamais, durant toute sa vie, jamais elle lui a causé du tort, jamais elle a mis en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il ne s'est écarté d'elle, radiallahu ta'ala anha. Auprès de l'imam Muslim, dans son authentique, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khayru nisa'iha Khadija bint Khuwaylid, wa khayru nisa'iha Maryamu bint Imran. C'est-à-dire la meilleure des femmes, ici min nisa'iha, bima'na min al-ummah al-ka'ina, c'est-à-dire de cette communauté présente. خير نسائها يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة بنت خويلد c'est-à-dire la meilleure des femmes donc de cette communauté خديجة بنت خويلد وخير نسائها c'est-à-dire donc la meilleure des femmes des communautés précédentes مريم بنت عمران et lorsqu'on dit donc la meilleure des femmes de cette communauté comme il est venu dans ce hadith, il faut savoir que les savants ont divergé sur la question de savoir quelle est donc la meilleure des femmes, c'est-à-dire donc la meilleure des femmes parmi les mères des croyantes. Est-ce que c'est Khadija ou est-ce que c'est Aïcha? Aïcha avec tout également, tous les autres textes de la sunna qui sont venus à son propos, ses éloges, ses mérites, etc. Certains savants ont dit que c'est Khadija, d'autres ont dit que c'est Aïcha, et d'autres tawakkafu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné d'avis. Et le shir dans son livre va nous rappeler une belle parole, qui est ici comme un jam, c'est-à-dire donc qui rassemble ces deux avis, ceux qui diraient que c'est Aïcha et ceux qui diraient que c'est Khadija. Il nous rappelle Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh fi kitabi Jala'ul Afham yaqul wa sa'altu shaykhana Ibn Taymiyyah faqal, c'est-à-dire que Ibn al-Qayyim il a demandé à son shaykh, le shaykh de l'islam Ibn Taymiyyah, au sujet de cette question, la question qu'on est en train de parler. Faqal ikhtassa kullu wahidatin minhumā bi khassatin, c'est-à-dire que chacune d'elles a eu des spécificités dont elles se sont démarquées, dont elles se sont distinguées. فَخَدِيجَ كَانَ تَأْثِرُهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ نعم. C'est-à-dire donc Khadija et tout ce qu'elle a eu comme mérite, tout ce qu'elle a donc apporté dans cette religion, c'était au début de l'islam. كَانَتْ تُسَلِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ وَتُثْبِتُهُ وَتُسْكِنُهُ وَتَبْذُلُ دُونَهُ مَا لَهَا فَأَدْرَكَتْ غُرَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَدْرَكَتْ غُرَّةَ الْإِسْلَامِ وَتَحَمَّلَتْ الْأَذَى فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَكَانَ نُصْرَتُهَا لِلرَّسُولِ فِي أَعْظَمِ أَوْقَاتِ الْحَاجَةِ فَلَهَا مِنَ النُّصْرَةِ وَالْبَذْلِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. C'est-à-dire donc qu'au début de l'islam, elle a été présente pour affermir les pas du prophète, c'est-à-dire donc pour le soutenir, naam, pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les reconforter, وَتُثْبِتُوا وَتُسْكِنُوا. Elle a également multiplié les efforts dans la religion. Elle a également donné de son argent. Elle a également patienté devant les épreuves qui ont été faites dans le chemin d'Allah et dans le chemin donc de son prophète. Et donc le secours qu'elle a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un moment qui était les plus importants, car c'était donc au début de l'islam. Fi a'zami awqat al-hajj, un moment où il en avait le plus besoin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَلَا مِنَ النُّصْرَ وَالْبَدْلِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. Donc elle a de ce secours également, de tout ce qu'elle a donné dans le chantier d'Allah Azzawajal, ce que personne n'a fait comme elle ou n'a été à son niveau parmi les autres femmes. Donc ça, c'est au début de l'islam. Elle était donc la meilleure au début de l'islam, et donc elle a eu cette spécificité ou ce mérite. وَعَيْشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تأثيرها في آخر الإسلام. Par contre, Aïcha, elle, ce qu'elle a apporté à la religion, c'était à la fin de l'islam, في آخر الإسلام, bien entendu, par rapport donc à la période de l'expansion de l'islam. فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. هذا معنى كلامي. Il nous dit le shir donc, فَلَهَا مِنَ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ. Elle a donc obtenu de la science dans la religion. وَتَبْلِغِهِ إِلَى الْأُمَّةِ. Et qu'elle a donc transmis à la communauté. وَانْتِفَاعِ بَنِيهَا بِمَا أَدَّتْ إِلَيْهِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا. C'est-à-dire également ce qu'elle a donc apporté à la communauté comme science. Et on va le voir lorsqu'on va aborder la vie de Aïcha radiallahu ta'ala anha, ce qu'elle a apporté dans la religion par rapport à sa science. Et on verra les paroles des savants qui ont témoigné de cela parmi At-Tabi'in radiallahu ta'ala anhum. Donc elle a apporté un grand bien dans les derniers temps, alors que Khadija, elle a apporté un grand bien dans les premiers temps. Donc chacun a eu son rôle et chacun donc a eu son mérite. Ça, c'est la parole, comme il nous rappelle Ibn al-Qayyim, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hadha ma'na kalami. Et lorsqu'on parle de Khadija, lorsqu'on parle de Aïcha, et qu'on est toujours donc, bien entendu, en ce qui concerne Khadija radiallahu ta'ala anha, la première des mères des croyantes, la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on se rappelle également ce hadith, et qui nous rappelle les mérites de cette femme-là. Il nous rappelle Ibn Hajar fil Isaba, وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة ما لم يثني على غيرها. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait les éloges de Khadija comme il ne l'a pas fait pour autre qu'elle. C'est-à-dire qu'elle était la femme pour laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le plus d'éloges. وذلك في حديث عائشة قالت, comme cela est rapporté de Aïcha elle-même, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière continuelle, il rappelait Khadija et il lui faisait donc les éloges en sa présence. فذكر يوما من الأيام. Et donc, comme à son habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rappelé comme il le faisait habituellement فأخذتني الغيرة. Et donc Aïcha, comme toute femme, et donc comme toute nature féminine, la jalousie a débordé en elle. فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها. C'est-à-dire, elle a dit à Aïcha, n'était-ce pas une vieille femme dont Allah Azzawajal a remplacé par une femme qui est meilleure qu'elle? Faradib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cette parole de Aïcha, il s'est mis en colère. Faradiba. Thumma qal, la wallahi ma abdalani Allah khayran minha. Il a dit non, Allah Azzawajal ne m'a pas donné à sa place une femme meilleure qu'elle. Amanat idh kafara an-nas. Elle a cru alors que tous les gens, ils ont mécru. Wa saddaqatni idh kadhabani an-nas. Et elle m'a cru, elle a cru en mon message alors que tous les gens m'ont démenti. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas. Et donc elle m'a soutenu de par son argent, de par ses biens, alors que les gens sont mis en travers de mon chemin, alors que les gens m'ont obstrué dans le chantier, le chantier d'Allah Azza wa Jal. وَرَزَقَنِ مِنْهَا اللَّهُ الْوَلَدَ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ. Et Allah Azza wa Jal m'a donc pourvoyé des enfants de par elle, de par cette femme-là, comme il ne l'a pas fait avec autrui. Et on sait, comme on l'a vu auparavant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ses enfants sont de Khadija. Et que le seul enfant qu'il a eu, ce n'est pas par une de ses épouses, mais c'est une de ses captives, Maria, comme on l'a vu précédemment. Et ensuite Aïcha, elle s'est dit en elle-même, فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا أَذْكُرَهَا بَعْدَهَا بِسَبَّةٍ أَبَدًا. Et donc, elle a dit en elle-même que jamais donc, elle ne ferait en son encontre une remontrance. Et également, regardez le mérite de Khadija et l'amour que le prophète sallam lui portait, même après donc sa mort. وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَ. Et donc dans l'authentique de l'imam muslim, Aïcha nous rappelle, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا إلى أصدقاء خديجة فقال فذكرت له يوما فقال إني لا أحب حبيبها. C'est-à-dire que le prophète sallam, quand il égorgeait un mouton, il le dépeçait donc, il envoyait toujours des parts de viande aux amis de Khadija. Regardez, même après sa mort, il s'est bien entendu la mémoire de Khadija, il continue donc à faire le bien en son nom et pour elle, il envoyait donc cette nourriture aux amis de Khadija sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha. Khadija est morte avant l'hijr de 3 années, avant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse l'hijr, elle est morte 3 années avant l'hijr. Et cette année-là, ça a été appelé par beaucoup des historiens par Aam al-Huzn, c'est-à-dire l'année de la tristesse. Car également dans cette même année, Abu Talib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le supportait et qui le protégeait donc du mal de Quraysh, comme cela est connu de la sœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort également. Et donc c'était une année de tristesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte donc avant que la prière soit devenue obligatoire, et donc avant l'Isra wa al-Mi'raj. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Allah Azza wa Jal, donc pour le consoler et pour lui donner un grand bien après cette perte, il y a eu bien entendu le voyage nocturne, là donc où la prière est devenue obligatoire sur cette communauté. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assisté aux funérailles de Khadija sans qu'il prie sur elle, car à ce moment-là il n'y avait pas encore la prière sur le mort. Elle est morte donc alors qu'elle avait 65 ans. Qu'elle avait 65 ans. Radiallahu ta'ala anha. Et donc ce fut la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la première femme donc parmi ses épouses à mourir du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Radiallahu ta'ala anha. Une fois que Khadija radiallahu ta'ala anha fut morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié peu de temps après avec sa deuxième épouse. Et la femme qui va venir donc, la deuxième parmi les mères des croyantes, et qui est Saoudatou bint Zam'a ibn Qais ibn Abd al-Shams al-Qurashiyya al-Amiriyya. Saoudatou bint Zam'a ibn Qais ibn Abd al-Shams al-Qurashiyya Al-Amiriyya. C'est donc cette femme qui va devenir la deuxième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de Khadija. Peu de temps après. Pour ce qui est de Sauda bint Zam'a, bien entendu, pour ce qui est de sa sira, pour ce qui est de sa vie, on a beaucoup moins d'informations que pour Khadija, que pour Aïcha, pour d'autres femmes des croyantes également. Mais on sait donc qu'il s'est marié avec elle peu de temps après que Khadija soit morte, et qu'elle fut donc, dans l'ordre chronologique, la deuxième des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle a vieilli auprès de lui. Et ce que l'on retient donc à son propos, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle alors qu'elle était déjà d'un certain âge. Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Et que lorsqu'elle a vieilli, beaucoup vieilli, comme cela est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, un ibn Abbas, bisanadin Hassan, Souda, elle a eu peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la divorce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu la divorcer. Il a voulu donc se séparer d'elle, de part donc de la cause de sa vieillesse, car elle était vieille, et que donc, comme elle va le rappeler, qu'elle ne peut donc apporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce dont il a besoin, comme tout homme envers sa femme. Et lorsque Sauda, elle a su cela, elle a pressenti donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait se séparer d'elle, elle lui a dit « La tutalliqni wa amsikni wa ja'al yawmi li Aisha » c'est-à-dire « Ne me divorce pas et garde-moi auprès de toi. » « Wa ja'al yawmi li Aisha » et donc « Donne ma journée à Aisha » ou « Mon jour à Aisha » et on sait que, bien entendu, dans la religion musulmane, dans la sharia, dans la loi islamique, lorsque l'homme il se marie avec plus d'une femme, il doit donc partager entre elles les jours où on, précisément le mabit, c'est-à-dire donc la nuit, donc ce qu'on peut traduire également par la journée ou le jour. Et donc il doit partager entre elles. S'il a quatre femmes, donc il devra partager pour chacune d'elles. S'il en a trois ou s'il en a deux, ainsi de suite. Et donc ce droit qu'elle avait Sauda par rapport à son autre femme, et qui est donc Aïcha ici, car le prophète saint va se marier ensuite avec Aïcha, qu'est-ce qu'elle va dire Sauda? Elle va donc délaisser son droit pour qu'elle puisse rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui dire donc waj'al yawmi li Aïcha, c'est-à-dire le jour que tu me dois et que tu dois passer avec moi comme devoir, alors je l'offre à Aïcha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aura plus à être obligé de passer le jour ou la nuit avec Sauda, mais ce jour-là, il sera consacré donc à Aïcha. C'est ce qu'il a accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'un des versets du Coran est descendu à ce propos, comme nous le rappellent beaucoup de mufassirin, beaucoup des gens du tafsir, comme l'imam Ibn Kathir et d'autres encore. Ce verset, c'est le suivant. Yaqul Allah Azza wa Jal, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير كما في سورة النساء verset 128 فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. Donc beaucoup de mufassirin ont dit que ce verset est descendu à propos de Sauda. Et qu'est-ce qu'on tire donc de ce verset? Qu'est-ce qu'on tire donc comme règle? Pour ce qui est donc de la traduction du sens du verset, et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux qu'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Et comment on va le comprendre donc par rapport à ce qui est arrivé entre Sauda et le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire donc que la femme, si elle a peur d'être divorcée ou d'être séparée, alors il est dans son droit qu'elle délaisse un de ses droits qu'elle a envers son homme, comme par exemple un nafaqa, c'est-à-dire donc le fait qu'il pourvoit à ses besoins, ou alors, comme s'il est concubinaire, à laisser sa nuit comme droit à une autre femme, comme l'a fait Sauda, ça c'est quelque chose qui lui revient et qu'elle peut faire. Et c'est quelque chose également que l'homme donc peut accepter, et qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion à ce niveau-là. Et que c'est même mieux, qu'en réalité la séparation. C'est pour ça que qu'Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. C'est-à-dire, alors ce n'est pas un péché pour les deux, ce n'est pas un péché, il n'y a pas de mal pour les deux, qu'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Donc est meilleure que la séparation. Donc ça c'est un droit dans la religion qu'Allah Azza wa Jalla il a laissé à la femme, c'est-à-dire ce droit qu'elle tatanazzal, c'est-à-dire donc qu'elle délaisse un droit qu'elle a envers son mari pour qu'elle puisse rester avec lui. Et il est de son droit également l'homme d'accepter cela. Et donc ensuite, une fois que le compromis est accepté des deux parties, alors la vie continue sur ce pacte qui était donc contracté entre les deux époux. Et bien entendu, Sauda, si elle fait cela, elle l'a fait par amour pour le prophète, par amour pour Allah Azza wa Jal, et pour donc plaire à Allah avant toute chose. Et ça, ça fait partie de ses grands mérites. Ça fait partie donc des grands mérites de cette femme-là, de ce qu'elle a fait. C'est pour ça que le shir, il va dire وهذا من خواصها من خواصها أنها آثرت يومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول صلى الله عليه وسلم وحبا له وإثارا لمقامها معه فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك. Et donc elle a fait cela, comme il nous le rappelle le shir, par amour pour le prophète صلى الله عليه وسلم, mais également pour se rapprocher de lui, et également donc pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle obtienne sa satisfaction. Elle est morte, Sauda, à la fin du califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu ta'ala anha. Et donc pour l'année qu'ils ont rappelé certains des historiens, c'est qu'elle est morte donc en un an 54 de l'Hijra, un an 54 de l'Hijra. Matat sanatu 54. Wallahu ta'ala alam. Pour ce qui est de la troisième femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc dans l'ordre chronologique, la troisième femme qu'il va épouser sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien entendu Aïcha radiyallahu ta'ala anha, la troisième donc parmi les mères des croyantes. Et donc on donnera un aperçu de sa vie également le prochain cours inshallah ta'ala. Et on donnera donc de ses caractéristiques ainsi que le reste des mères des croyantes. Radiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.